Les flammes dansent sous l'orgue. Un souffle s'arrête, se lève dans la nuit sourde. Rider's Kill, marche au son du gospel. Les ombres murmurent. L'espoir s'installe. Les voix s'élèvent portées par le divin. Redis Kill sur Twitch lance ses drops. Chaque note frappe, chaque mot frappe fort. Les cœurs se serrent, les mains s'unissent. Dans l'écho du temple, l'âme s'immise. Les prières montent comme un feu sacré. Le combat continue, jamais abandonné. Dans l'ombre du sanctuaire, la lumière brille, Redis Kill guide. La foule scintille, les drops tombent, la foi s'enflamme. Sur Twitch résonne le cri des âmes.